Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Et il est 21h15 et quelques minutes. Et c'est le début de l'émission Nuisance. Donc Nuisance a une tradition, une tradition plutôt récente, mais qui est donc, comme elle est dite, donc traditionnaliste. Nous installons le matériel. Donc vous allez m'entendre installer le matériel. Je vous rappelle que Nuisance est une émission brutiste. Éminemment. Donc vous aurez l'occasion de m'entendre bafouiller, entre autres. Entre autres bafouillements, un Arsène ou deux peut-être, dans les enceintes, les baffles, comme on appelle ça. Les baffes. Mérite d'être cité quand même. Technicité. Où tu nous tiens? Donc, comme vous entendez des bruits. Des bruits, donc pour une émission brutiste, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Enfin, avec le bruit, quoi. Comme je disais tout à l'heure, vous entendez des bruits. Ça risque de ne pas s'arrêter. Enfin, pour l'instant. Jusqu'à l'émission suivante. Ah, et la fatigue qui se fait sentir, la semaine a été dure. Le veto, donc, m'a dit tout ça, quoi. Donc, mon chien est mort ce soir. Que faire à présent d'une vie si dissoute sans mon chien? Je pouvais parler. Oui, je tu peux. Ouais. Allez, au revoir. Au revoir. À bientôt. Toujours une vieille habitude, le silence, donc. Une vieille habitude qui ne s'oublie pas. Celle de se taire, donc. De temps en temps. Seulement quand il faut pas. Faut pas. Pas se taire. À oublier qu'il ne faut pas se taire. C'est une des choses les plus importantes après parler. Une bonne chose de faite. Encore des choses à faire, je veux dire. Tant qu'elles ne sont pas encore tout de suite à défaire, je veux dire. Donc, si vous avez peut-être compris, si vous ne connaissez pas l'émission, l'incohérence est une maîtresse dont je fabule beaucoup. Je fabule beaucoup de ma maîtresse. Entre autres fabulations, elle décrit rauque et sournois dans la tête, qui semble continuer pour toujours, qui ne s'arrête donc jamais. Le toujours, donc jamais. Jamais toujours. Donc d'accord. Il y a comme un doute là-dedans. Un doute. Un douteux. Un doute-doute. Alors donc, procéder avec joie à son élimination. J'espère totale, mais sinon quasi totale. Nous allons donc éliminer ce doute ce soir. Alors la question est... La vie vaut la peine d'être vécue ou non? Oui. Ou son contraire absolu? Donc l'incessance. Vaut-elle toujours donc la peine, comme je disais? La peine et l'ombre. peine l'ombre installée que déjà les gens doutent. Les gens bons, je veux dire. Doutent. Et les gens cons broutent, comme nous savons déjà. Nous apercevrons tantôt des illuminations, peut-être, quasi existentielles, dans une ombre toujours, pour ainsi dire, abrasive et inintéressante au possible. Après cette fin, donc, d'installation, vous aurez droit à l'horreur quasi totale d'une existence atrophiée. Atrophiée donc par le ciboulot, ou par, on peut aussi appeler ça, le mental. Donc, halle pour vous ce soir, sur les ondes du canal Sud 92.2 FM1 et du canal Sud.net, tiens. Vous n'entendez toujours rien par le bruit environnant, je sais, vous en avez aussi. Et ce soir, nous allons réviser nos classiques. Oui, nos classiques. Donc je me trompe bien sûr dans la technique. besoin de mourir. J'espère donc que vous êtes en train de mourir d'ennui. D'ennuisance. J'espère en fait que vous soyez déjà mort. Je l'espère pas. Je vous l'annonce. Vous êtes déjà mort. Alors passez à la caisse, s'il vous plaît. I wish you were so fucking dead, you'd be insane, so much of fucking suffering and everything. I wish you were dying in hell. I wish you were living in hell. I wish that you'd be dying forever. Je voudrais vous voir souffrir ce soir, donc... voir souffrir d'ennui, d'aisance. Vous allez donc mourir pauvre, pauvre, pauvre et con. Vous êtes tous des pauvres cons. Sachez-le, en puissance. Vous pouvez tous vous prendre vous-même et vous violer le cul, l'anus, je veux dire, en rondeur, atrophie mentale, décérébralisée. Vous allez vous endormir ce soir en rêvant à un anus doré au four par une masse suintante de bave. L'amour, cultivez-le ou mourrez, mourir. Thank you. sure do wish you were dead. Do you hear me? Can you hear me right? I sure do wish you were dead. Supportes-tu la vie? Tu auras la réponse dans cette émission. Supportes-tu la mort, peut-être? Veux-tu le savoir? Tu supporteras tout un jour, ou une nuit, mais juste une nuit. Choisis laquelle. Dans cette émission, tu peux choisir l'heure de ta mort. Tu peux choisir même l'heure de ta vie prochaine. Et lors de cette émission, tu vas découvrir l'horreur d'être. Laisse-moi t'expliquer. As-tu déjà compris? Ou ne vois-tu déjà pas? Où aller? Thank you. Comme j'ai dit tantôt, nous allons tous mourir, n'est-ce pas? Vous le savez peut-être, mais je ne le sais pas encore, donc je le pratique. Je pratique la mort en ensemble, orchestré par moi-même, dans un PC organiquement modifié par un flatulent P. Prout. Et je vais donc me rouler une clope devant vos oreilles ébahies. Comment est-ce possible? Avec tant de grâce et de célérité, tout à la fois emmêlé dans ses pinceaux, l'être humain, comment arrive-t-il donc à se libérer? Une des solutions, c'est de fumer une clope jusqu'à la mort, ou sinon de se pendre. Une autre est de regarder les choses en face et de se pendre. Une autre encore de se pendre par les pieds. Vous aurez compris que la seule solution qu'il vous reste, c'est la pendaison. N'oubliez pas la réussite de votre suicide compte avant tout sur vos motivations. Pourquoi voulez-vous mourir? Ou pour qui? Pour quel idéal, utopie, devrais-je dire. Nous allons donc tous mourir. Et moi, le plus vite possible. Car la vie est aimée par la vie, la mort par la mort. Et tout est séparé, tout est dissocié. Il n'y a plus de lien, quel qu'il soit. Tout est séparé, dissocié de soi-même en un embarras. Un embarras sans tas. Je ne vous dirai pas de quoi. Si vous êtes habitué à l'émission, vous savez qu'après 22h, je me lâche. Et les viscères atrophiés ressemblent au ciboulot en fin de chaîne, protégés donc par la nomenclature dorée. Nommons la nomenclature pour pouvoir respirer. Si vous êtes nouveau ici, sur Terre, je veux dire, vous n'avez pas compris, ceci est nuisance, avec un S entre parenthèses à la fin, l'émission de toutes les nuisances. Mission qui nuit au sens. J'espère que vous allez en crever ce soir avec moi, car je vais en crever, c'est sûr, c'est ma faute. Ceci, au moins, est de ma faute. À moi, et rien qu'à moi. Je suis le seul responsable de cette envergure-là. Aucune, donc. Détruisons l'envergure par la nomenclature, comme je le disais, dorée, par des limaces bavantes, dans un four crématoire acidulé au lait de noix de coco. La base de cette chaîne étant donc la nourriture, le nerf de la guerre, comme on dit. Bouffons notre fric, bouffons notre fric, bouffons notre fric, vite. Et n'oublions pas avant tout le changement. N'oublions pas la violence du changement qui revient si souvent nous rappeler les mauvais souvenirs. Puis nous allons pouvoir apprécier la totale et indulgente hantise du rien dont le vivant fait partie. Mais que le vivant est par-dessus tout, le rien, le néant. Nous sommes en vue, présent, d'une possible possibilité. Et c'est à ce moment-là précisément que je lui ai dit « Mais non, mec, ce n'est pas possible. Ceci n'est pas possible. » Ceci n'est donc pas possible. Et je me permets de le rappeler. Ceci est très silencieux comme intervention. Je sais que l'interventionnisme n'est pas de mon fort et je les encule tous, n'oublions pas. Ensuite, nous parlions de mouches, les mouches flatulent comme d'habitude. Elles sont de celles qui flatulent. comme je vous disais, donc vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Et c'est actuellement l'émission, j'espère, la plus nuisante du tout le système solaire que nous connaissons actuellement. L'émission Nuisance. Je crois que j'en suis loin, vraiment, vraiment loin. J'essaie d'être vraiment pédagogique avec vous. Alors, accordez-le-moi quand même. Ceci est une émission bruitiste, s'il en est une. Entendez le bruit de vos vies dans ce sous-titre. Vous êtes des sous-humains. Virgule. Tous. Point d'exclamation. Vous avez tous crevé. Sur un pied d'égalité. Vous allez crever dans votre merde, et votre pu, et votre foutre, et votre cyprine, et votre merde. Si je ne l'ai pas déjà dit. Vous allez mourir comme les sous-êtres humains que vous êtes. Vous êtes inhumains. Vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes inhumaniste avant tout. L'auto-hypnose fonctionne. Vous allez vous entretuer bientôt. Je le sens. Comme la grosseur de mon gland dans mon cul. You're welcome here if you understand English. Don't forget, I wish you were dead. Encore ce que je dis, ou êtes-vous déjà arrivé à l'état extraterrestre, extraterrestre, extraterrestre? I sure do wish I were dead. Okay, now, let's discuss about something very important. There's something... There is something. There's something in white that makes me think of something evil. I know there's something else happening here. Apart from me, I mean. But I just can't tell what it is. I just... can't tell what it is. Apart from me, I can tell what me is. Just can tell, can't tell what you are. So chew on this, motherfuckers. We just don't give a fuck anymore. We'll kill them all, you understand? All of them. All the demons, I mean. All the humanistic wannabes, I'll fucking the ass. Cause it's 10 o'clock. Il est 10 heures. Vous allez bientôt entendre la solution finale. Celle à la réponse à tout. Qui l'a? Alors maintenant que vous êtes en totale soumission. Soumission. Soumission. Eh bien, vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Je veux vous dire qu'il n'y a rien que vous, qui n'ayez aucune importance de vous-même à part vous. Alors, mourez, car mourir, c'est la solution à tout. Mourez à vous-même. Mourez aux autres. Mourez, tout simplement. Mourez au monde. Et n'oublions pas avant tout le grand motto de l'émission que vous êtes en train d'écouter sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net sur le web. Le grand motto de cette émission est « Allez vous faire enculer », n'oubliez pas. Ceci est une émission brutiste, donc le bruit, la crudité, la cruauté impériale avant tout de cette autocratie débilitante sera exprimée en verbe. Allons donc tous nous faire enculer par les sodomites qui sodomisent. Donc du verbe sodomiser. Nous sommes donc des mouches, des sous-humaines merdes, intempestivement cruelles et bêtes. Et nous allons l'exprimer ainsi. Allons tous nous faire enculer donc par la merde. Et n'oublions pas avant tout le grand motto de cette soirée. J'ai la merde qui colle au cul. Parlant de merde, je pense au caca, le grand caca, celui qui a le grand caca quoi, oui, le grand caca quoi, qui a tout. Mon Dieu, l'absorbance est donc de ce monde, la sphaigne et tous ses nutriments vont pouvoir me nourrir pendant des millénaires, vivement les micro-ondes et les gazinières à moitié oxydées par l'intransigeance. Donc cruauté, s'il y a, vous la trouverez sur l'émission Nuisance. Dans, je veux dire dans votre cul, profondément enfoui. Et l'expression donc de cette cruauté, vous la trouverez dans cette émission qui a toujours un humour aussi noir que débile. Je suis votre hôte, s'il en est un. Et vous savez déjà ce que je vais vous dire. Allons tous nous faire enculer. Et c'est à ce moment précis que je lui dis « Mais merde quoi, t'as encore rien compris ?» Ce que je voulais dire c'était que « C'est toi la merde, pas moi ?» Vous êtes donc à l'écoute d'une émission bruitiste, s'il en est une, à Toulouse, donc France. Hello everybody, you are welcome in this flight. This is a flight towards nowhere, and we're gonna fuck them all in the ass. I know, this is censored in your country, but in our country, this is not the... This is a fucking foreign language, man. So, this is not censored, okay? Fuck us all. Yeah, because nobody understands me, right? I mean, it's not like I articulate or anything. I'm like eating up my words and shit for nobody to understand me, you know what I'm saying? Fuck yeah. Everybody seems to understand. Fuck, though. It's like this. It's a magical word. C'est un mot magique, fuck. C'est comme si, comme ça, et on ne saisit jamais vraiment son sens, mais c'est là, en permanence, le fuck. Alors allons-nous fucker. Allons donc tous nous fucker, les uns les autres. Oui. Allons. Nous tous. Nous fistfucker dans un anus doré. Qu'est-ce que je dis? Ben, j'ai encore dit une connerie, peut-être. Je ne suis pas responsable de mes actes. Je suis un humain. Ou plutôt, un inhumain. Thank you. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM. Je l'ai déjà dit à peu près 3 ou 4, 5 fois, mais à chaque fois je relance le son en fait parce que c'est du feedback. Donc vous aurez la chance de ne pas comprendre ce que je dis parce que un mec, donc un être humain, encore un autre, est en train de bidouiller les potards. Les potards, donc l'on ne comprend absolument rien. C'est génial. J'adore pas du tout. Et je vais m'empresser de bouffer un kebab pourri. Et je vais vous laisser avec ce son omnipotent de l'omniscience. Omni. Possibilitaire. Dans le cul. Vous l'avez donc compris, vous êtes sur le point de mourir. Vous êtes en phase de désintégration, désagrégence corporelle, omnipotente et omniprésente toujours, comme d'habitude. La désagrégence, donc, maîtresse du tout et du rien. Et ceci en bonne et due forme. Attention à vos oreilles, ceci risque d'être un tant soit peu moins pénible que le reste de l'émission, mais quand même relativement pénible. Voilà, donc comme je vous disais, de la pénibilité à l'état pur. Celle de l'émission Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Celle du bruit pur. Le bruit pur son. Le son pur bruit. Faites donc des parallèles avec les autres sens. Vous trouverez un acmé quelque part en vous. Quelque part au tréfonds de vos âmes, ô chères et perdues. N'oubliez pas, vous allez crever. Comme des merdouilles, comme des sous-humains. Vous êtes là pour travailler et pour vous taire. Ne l'oubliez pas. Quel beau solo de blues, rock, jazzy. Oh mon dieu, quelle beauté. Quelle philocalie que ce monde. Vous avez un dictionnaire près de vous. Je le répète assez souvent, je ne voudrais pas être désobligeant, mais... Allons tous nous faire enculer. Oui, j'ai bien dit. Allons tous nous faire enculer. J'ai bien dit cela. irons donc tous nous faire enculer par le gros sadique qui est Dieu. La grosse sadique qui est Dieu. Je n'en ai absolument rien à foutre. Ce ou cette grosse ou gros sadique qui est Dieu nous regarde en riant. Haha. Je ris. Je ris, dit Dieu. Dieu dit je ris. Je ris de vous voir si laid et puant et souffrant, magnanimité, édulcorance, et comme je disais tout à l'heure, et je le redis encore, douleur putride. Putréfiante. Mais que dire à part cela, je ne sais. Et heureusement, pour moi, je ne sais rien. Je suis vide de tout sens. Et j'en ai rien à foutre. Toujours cette purulence. Toujours cette pluie. Purulence atrophiée. Obsession latente. Bien sûr, je ne saurais dire ce qu'est la vérité. Je sais poser un état de fait. Je suis ainsi fait par l'interaction avec l'environnement. Que faire? Ne pas se poser de questions, ne pas penser, ne pas douter, ne pas vouloir. Oui, soyez mes adeptes. Je suis votre gourou, pas de pensée, pas de volonté, pas de doute en vous. Vous êtes mon peuple, et je suis votre seigneur. Suivez-moi partout où je marcherai, et protégez-moi des douleurs en souffrant. Vous êtes ma foi, vous êtes mes frères et sœurs, nous sommes ensemble pour la vie et la mort, nous allons mourir ensemble et donnez-moi votre ric. Parce que tu leur donnes une explication, ça leur suffit à ces cons qui se sont enculés. N'importe laquelle suffira. Les rats comme moi, de prime abord, ne pensent pas. Et disent la vérité, n'est-ce pas? Car mentir est penser. Penser la vie, penser la mort, penser l'éternité et le sempiternel. La fluctuation est permanente. Le retour de flamme est latent. L'attente, là, me lasse. Mais je suis là quand même. Et je ne sais que dire. Par mourir, je ne vois pas que dire. Oui, mourir pour l'existence, mourir pour la vie, oui, mourir. Mourir, oui, mourir. Que dire, mourir, oui. Mourir, oui. Vivre, allez vous faire foutre. Vous vous servez de vous comme de moi. Vous vous servez de nous comme de vous. Vous vous servez de tout comme de nous. Vous vous servez, j'en ai rien à foutre. Faites, faites. Servez-vous. Servez-vous de tout. En opulence, comme ça il n'y aura plus rien pour moi. Et je mourrai. Et je serai heureux. Et vous serez vivants. Et je serai heureux que vous soyez vivants et que je sois mort. Et vous vous en souviendrez tous. Dans l'énergie. Et après tout ceci, un petit morceau pour vous calmer les nerfs. Un morceau qui va durer à peu près le temps qu'il durera. Ni plus, ni moins. Mais suffisamment pour vous ennuyer à un tel point que vous vous souviendrez que l'émission Nuisance, avec un S entre parenthèses à la fin, est l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances, de tous les sens, et surtout du sens radiophonique, car nous sommes sur une radio. Oui, nous sommes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il est 22h et presque 38 minutes sur l'horloge de Canal Sud que j'ai en face de moi. Nous sommes au 40 rue Alfred Duméril, à Toulouse, dans le quartier Palais Justice, ou devrais-je dire peut-être Saint-Michel à peu près. Les bienvenus. Si vous le souhaitez, vous pouvez appeler au 05 61 53 36 95. Je vous le déconseille néanmoins, car il y a de grandes et fortes chances que le téléphone soit décroché par moi-même pour ne pas être interrompu. Nous apprécions donc depuis à peu près 21h le bruit sous toutes ses formes, valeureuses ou non. La cruauté impériale me résout à répondre et à vous laisser dans le silence. Ou plutôt non, car je me refuse à me taire. Oui, envers et contre toute sonnerie de téléphone, je vous parlerai encore et encore, pour toujours, vous. Comme je vous disais, je vais vous interpréter un morceau de Rolf Unback, Marshmallow. Autrement dit, sinon également appelé AKA, tiré W.ZX42XORB V A T E F A I R E F O U T R E point d'exclamation. En criant, gare, je saurai vous le dire, car vous n'entendez rien, et c'est tant mieux. L'entente au préalable n'est pas de ce monde. L'entente ne veut pas vivre. L'entente veut crever, comme le son veut crever vers le silence qui est la mort. Nous voulons crever vers le silence qui est la mort, car nous sommes audition. Auditoire, anticipatoire, réaction futuriste, je suis influencé par toutes celles-ci. Néanmoins, je le redis, vous n'aurez pas la chance de me voir crever ce soir, car je suis encore vivant, peut-être vais-je mourir dans les quelques minutes qui suivent. Et vous aurez la grande et terrible nouvelle en direct. Je vous dirai de mes lèvres, morte. Je vous dirai je suis mort. Et vous l'entendrez dans le néant. Voilà. En tout cas, ça c'est en stipulation donc spéculatoire, je devrais dire au conditionnel. En attendant, je vais vous interpréter un morceau de son cru, donc à Schwarzmannendorf, Jiggy Jiggy Jig, et qu'il aille donc se faire foutre. Lui aussi, ou elle aussi, je ne sais si elle est, c'est cet être humain ou être inhumain ou être sous-humain ou surhumain est une femme ou un homme, devrais-je dire une femelle ou un mâle. En tout cas, cet être a composé pour vous une ode mystique à la nomenclature, celle que je vous disais donc tout à l'heure, dorée, dorée par tant de respiration incantatoire, velléité. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans la composition de Schmarnark Bukordov, car il a trouvé la clé à l'énigme essentielle. Que sommes-nous? Eh bien, nous sommes de la merde, oui. Je le sais à présent, en ayant joué ce morceau pour vous, en ayant interprété cette œuvre mirifique, je sais que vous êtes, que nous sommes, que l'on est, toujours, de la merde. Voilà. Donc, disons-le fièrement et vaniteusement, nous sommes la plus belle merde sur cette merde de merde. Mais merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde. Merde, merde, merde. vous pouvez peut-être l'entendre, vous êtes toujours sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est toujours l'émission Nuisance qui risque de durer jusqu'à la fin donc de cette émission. C'est son risque en tout cas de durer donc jusqu'à la fin de cette émission, et c'est son risque donc de durer jusqu'à la fin de cette émission. Donc, je vous ai prévenu. quelle beauté, quelle grâce, quelle vie, quel amour, quelle joie, quelle gloire, quelle beauté, quel amour, quelle joie, quelle... Que c'est beau la vie. La vie est belle. Vous étiez donc, enfin vous êtes toujours donc sur les ondes du Canal Sud 92.2, toulousain, français, et du Canal Sud.net. Donc c'était l'émission Nuisance. Je devais finir à 11h et malencontreusement je me suis oublié. J'étais tellement passionné dans mon envergure spatiale que je n'ai pu m'arrêter de m'exprimer, voilà, je vous l'avoue. Et il est à présent 23h et à peu près 8-9 minutes, et je vais mettre un terme à cette émission. Donc c'était l'émission du 20... On est combien aujourd'hui? On est le... on est le 27 mai 2011. Voilà.